toc comme ça vient, comme une enclume sur un crâne, ça fracasse. Ça fait mal, ça fait pleurer, les paupières au plus bas, au plus proche de là-bas. Ça vient comme ça part, ça ressemble à un truc noir. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon, faut le faire quand même. De passer de si près au plus près de soi-même. Et quand vient l'aurore, la face cachée de l'être, la noirceur apparaît et une étoile est née. Journées n'ont pas d'heure et crèvent à vue d'œil. Les journées n'ont pas de cœur et crèvent à petit feu. Des nuages de fumée dans un ciel étoilé. Des nuages de cendres qui tombent à tout rompre. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon, faut le faire quand même. De passer de si près au plus près de soi-même. Et quand vient l'aurore, la face cachée de l'être, la noirceur apparaît et une étoile est née. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon, faut le faire quand même. De passer de si près au plus près de soi-même. Et quand vient l'aurore, la face cachée de l'être, la noirceur apparaît et une étoile est née. Ça toque comme ça vient, comme une enclume sur un crâne, ça fracasse.